croyez, je pense que vous vous trompez. Si je suis telle que l'on prétend, à quoi bon perdre votre temps? L'ombre reste à l'ombre, le soleil au soleil, et moi je reste en tout point pareil, tout aussi frêle au petit jour, quand viennent les chagrins d'amour. Avant vous me l'ont dit, mais pour les belles, belles de nuit, les amours ne sont pas ici. L'ombre reste à l'ombre, le soleil au soleil, et moi je reste en tout point. J'espère que tu as tout.